estuquer y no retorné. Yo dis qu'on pas fin mourir. Arrêtez, arrêtez, ça c'est menti. On passe vite pays nous. Aïe, pas négocier. Les gonds j'en fort danser, les gonds j'en fort venir. Oh là oh, oh là là, oh là oh, oh là là. Pas content son l'autre, c'est vrai. Nous cherchons l'autre idée, pas perdu originalité. Ou carapé, sous compas. Ou carjazé, sous compas. Car swingé, car valsé, sous compas. Car danser bien collé. Jazzé, sous compas, qu'a swingé, qu'a valsé, sous compas, qu'a dansé bien collé. C'est le compas, attendez, bien balancé, qu'a dansé, bien balancé, collé bien serré. C'est le compas, du bon compas, bien balancé, bien qu'a dansé, bien balancé, hey. Nous même qui la jeunesse, n'apprenons l'autre approche. Moderniser combat pour internationaliser. Nous voulons respect parmi toute l'autre nation. Pour faire le monde entier chanter. Badabadoko, Zabadabadoko, Badabadoko. Paravadoko, Sabaravadoko, Paravadoko. Et puis si vas-tu pas d'un coup sérieux y'a qu'on y'a. Ah ah, that's it. Et puis si vas-tu, shut up. James, pour me oublier, ou même Gérard. pesé compas, pesé compas. Mettez-le sous balance là, pesé compas. Mettez-le sous balance là, pesé compas. Et puis moi va dire à la loupe papa. Oui. SM